Bonjour et bienvenue dans Première Loge, une édition toute spéciale aujourd'hui. Je suis Caleb, de retour au micro pour vous présenter la programmation du Radioton 2020 de CKRL. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver après plusieurs jours d'absence. Je salue d'ailleurs toute mon armée de remplaçants pendant que, dans mon bureau, juste à côté du studio, je préparais ce que je vous présente aujourd'hui, la programmation du Radioton 2020 de CKRL. C'est notre événement bénéfice annuel et normalement, c'est pas l'été que vous en entendez parler, c'est plutôt au printemps. Mais il y a un certain virus qui a poussé tous les plans de tout le monde un peu plus tard dans l'année. C'est le cas de notre Radioton et on va quand même célébrer cette grande fête de la radio ensemble. On rappelle que le Radioton permet d'amasser près de 10% de notre budget annuel pour faire rouler cette radio qui est avec vous depuis près de 50 ans maintenant, naissance en 73, on le rappelle. Denis Lelièvre, qui était là avant moi, était là dès les premiers jours de cette mise en onde de cette radio. Et on est là, bien des années plus tard, pour vous présenter un contenu, encore une fois, explosif, j'ai envie de dire, un contenu complètement éclaté. On vous réserve les 28, 29, 30 août une programmation spéciale sur nos ondes. En temps normal, on vous aurait ouvert les portes de la station, le 405 3e avenue, pour assister aux émissions qui auraient été en direct et devant public. Cette année, on change un peu la formule avec la Covid-19 qui, comme je vous le disais, perturbe un peu le déroulement des événements culturels et vous allez pouvoir le suivre à la radio comme d'habitude, mais dans une formule toute différente que je vais vous présenter aujourd'hui. On commence toujours avec le mot du directeur général de CKRL, Dany Fortin, qui va nous parler un petit peu de cette édition 2020. Bonjour Dany. Bonjour Jessica. On est content de se retrouver quand même pour enfin parler du Radioton. Ben oui, un Radioton estival cette année. C'est une première quand même. Oui, c'est une première. On peut le dire dans toute l'histoire de CKRL. Dany, cette année, l'objectif, c'est soutenir CKRL et la relance culturelle. Mm-hmm. Pourquoi? Mais pourquoi? Normalement, chaque année, on a un objectif financier. L'objectif financier demeure dans le sens que c'est de ramasser le plus d'argent possible pour soutenir CKRL. Mais on pensait que cette année, de mettre un montant n'était peut-être pas l'idéal, mais c'était plus de soutenir la station, mais également soutenir l'ensemble du le milieu culturel. Milieu culturel et communautaire et social et tout ce qui en découle également. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir un objectif précis, qui est soutenir CKRL et soutenir la relance culturelle. Oui, parce qu'on assiste quand même à une rentrée, on est en plein déconfinement, puis je suis contente de voir aussi qu'au fur et à mesure qu'on va vous dévoiler notre Radioton, les théâtres, les salles de spectacle, l'annonce des programmations pour l'automne, évidemment, on va être au cœur de ces nouvelles lors du Radioton. Mais on le disait, il faut quand même passer là-dessus, c'est un événement bénéfice. Mm-hmm. Comment on va pouvoir aider CKRL? Je parlais de 10% du budget annuel, le Radioton? À peu près 10%. On commence quand même avec un montant. D'habitude, quand on fait le lancement, la conférence, on n'a pas de montant parce qu'on le fait en pré-radioton et au tout début à l'ouverture du radioton. Mais vu qu'on a fait les tirages pré-radioton, on a quand même un montant à annoncer aujourd'hui qui est 3 795 $. C'est une très bonne base. Qui était le montant amassé en mars. Donc, pour le radioton qui devait avoir lieu à ce moment-là. Donc, on va commencer avec ce montant. Et pour ce qui s'en vient, justement, pour le financement, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr les dons. Les dons qui peuvent être faits sur notre site Internet, qui peuvent être faits par la poste et qui peuvent être faits ici, à CKRL. On va expliquer également le fonctionnement pour CKRL. Il y a le renouvellement des cartes de membres parce que, normalement, la plupart du temps, les renouvellements de cartes de membres sont faits à l'automne, en septembre. Donc, ça va être un mix des deux, soit les dons pour le Radioton et le renouvellement des cartes de membres. La nouveauté cette année, c'est notre fameux encan. Normalement, l'encan se fait par téléphone. Les gens ici prennent les appels des gens qui misent tout au long de l'événement. Cette année, et à partir de maintenant, jeudi le 20 août 16h, l'encan de CKRL sera maintenant un encan en ligne, un encan interactif en ligne. Et il est déjà disponible pour que les gens puissent miser sur un des 93 lots de nos partenaires participants qui se retrouve sur le site de CKRL, je le répète, à ckrl.qc.ca. Il y a un onglet encan, il y a une image pour cliquer sur l'encan et c'est très simple de miser. C'est quelque chose qui se fait en l'espace de 30 secondes. Les gens s'inscrivent et peuvent miser à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, la fermeture du Radioton, le dimanche 30 août à 20h. Donc, l'ensemble des lots va se fermer simultanément, donc à 20h, lors de la fermeture du Radioton. Mmh. Vous avez encore plus de temps que d'habitude. Hein? Oui. Habituellement, l'encan dure seulement 2 jours et demi, parce que ça commençait le vendredi après-midi. Là, on a une semaine complète. C'est très beau. Vous avez toutes les images des lots proposés. Vous allez retrouver quand même les lots que vous affectionnez à chaque année, je peux vous le dire. Allez parcourir ça. C'est krl.qc.ca. Vous avez ce qu'on appelle un big box, une boîte publicitaire. Un îlot publicitaire, merci, je cherchais la traduction, qui vous indique où aller. Et puis après, c'est vraiment très, très simple. Et puis, on peut même être notifié pour les mises, c'est-à-dire on peut déjà dire combien on veut miser au maximum. Par exemple, le lot que j'adore, et je veux pas que les gens misent dessus, mais ça va arriver quand même. Amassan, le lot numéro 3, c'est des massages sur table, par exemple. Et il y a un nouveau terme qu'on va devoir s'habituer. Oui. C'est incrément. Incrément, vous allez dire, qu'est-ce que c'est incrément? C'est fameusement, c'est une surenchère, finalement. Mm-hmm. Fait que incrément, c'est le terme exact pour faire une surenchère sur chacune des mises qui vont avoir été faites. Donc, vous allez les voir sur chacun des lots. Par exemple, alors je reparle de mon lot numéro 3 à Massan, une valeur de $150 pour 2 massages sur table AMA de 90 minutes chacun, la valeur $150, le prix de départ 75 et donc l'incrément est de $10 minimum. Donc si je veux déjà miser maintenant à l'heure où je vous parle, il faudrait que je mette 75 ou $85 la première mise? La première mise, c'est $75, mais la mise suivante va être $85. Donc, c'est bon à savoir. Allez parcourir ça. Évidemment, sur cette plateforme de l'encan aussi, vous pouvez tout simplement choisir de faire un don à CKRL sans contrepartie. Oui, donc on peut le faire sur la page encan ou tout simplement sur la page directement du site de CKRL. Dans le haut à droite, il y a « Faire un don à CKRL » ou « Devenir membre », bien sûr. 93 lots à découvrir. On peut parler d'une grosse nouveauté qu'il y a cette année, d'une valeur inestimable? Oui, le cinéma Le Clap, donc le lot 93, cinéma Le Clap, donc un an de cinéma, je peux pas dire gratuit parce qu'il y a quand même une mise qui va être faite, mais presque gratuit. Donc, un an de cinéma pour 2 personnes, illimité au cinéma Le Clap, donc la personne qui va gagner va pouvoir profiter du cinéma quotidiennement, s'ils le veulent. Oui, c'est clair. Bon, il y a quand même une valeur qui a été mise. On a mis une valeur sentimentale, mais la valeur, ça dépend toujours du nombre de fois qu'on va aller au cinéma. Mm-hmm. On a mis une valeur d'au moins 2 000 $. Donc, avec un début à quoi? 250, je crois? $250, c'est donné pour commencer. Donc, allez miser tout de suite, il n'est jamais trop tard. Puis, comme je vous le disais, une fois que vous misez sur un lot, vous pouvez choisir d'être notifié des prochaines mises et puis mettre votre montant maximum aussi. Alors, si par exemple, pour le club, vous êtes prêt à donner $400, je rappelle que c'est tout au profit de CKRL, eh bien, à chaque fois que quelqu'un d'autre va miser en dessous de $400, vous allez reprendre le chef de file. Mais bon, ça peut aller vite si tout le monde veut est prêt à miser beaucoup. En tout cas, c'est ce qu'on nous souhaite. Et le but là-dedans, on se le répète, c'est un événement de financement. Donc, les dons que vous faites, que vous allez quand même gagner quelque chose en retour, mais les dons reviennent 100% à CKRL. Mm-hmm. Avec tous ces partenaires qui sont encore au rendez-vous cette année, on l'en remercie, avec l'étape qu'on vient de passer, la COVID-19, rien n'était gagné d'avance, bien sûr. Dany Fortin, je pense que ça fait pas mal le tour. Aussi, on va quand même parler des sacs culturels. Oui, c'est ça. Donc, on parlait des dons, le renouvellement des cartes de membres, l'encan et les fameux sacs culturels cette année. On a toujours notre table de marchandises à chaque année où il y a des centaines de livres, de CD, de vinyles, d'autres objets promotionnels. C'est sûr, cette année, c'est une année spéciale. On voulait éviter la manipulation d'objets. Donc, on va y arriver avec des sacs culturels, des sacs surprises qui seront identifiés par des thématiques, des sacs au coût de $20. Donc, c'est quand même un bon montant pour nous. Il va y avoir 100 sacs, limités à 100 sacs, à $20. Les gens vont pouvoir se présenter ici à CKRL. Il y a des heures précises qui vont être identifiées sur le site Internet. Donc, ils vont pouvoir arriver ici et se procurer un sac, deux sacs, trois sacs, cinq sacs s'ils le veulent, mais jusqu'à épuisement, donc durant la fin de semaine. Donc, ce sera des sacs, comme je vous dis, qui vont être concoctés par Jessica Leb et son équipe. Oh oui, mon équipe de bénévoles, on va faire des thématiques par sac. Donc, il y aura des thématiques, exemple musique bleue, au hasard, pour la musique québécoise, des sacs de poésie, romans d'histoire, romans voyage. Je vous dis ça au hasard, j'ai pas encore mis le nez dans tout ce qu'on a reçu. Et encore une fois, merci à tous les partenaires culturels qui nous offrent gracieusement des livres, des CD, on a une belle collection de vinyles aussi qu'on va pouvoir ajouter. Il y a plein de surprises dans les sacs et je pense que la surprise, le mystère est un mot d'ordre cette année à travers différents projets qu'on peut avoir. Nous-mêmes, le Radioton, on le prévoit, mais il y aura des surprises. Oui, ça c'est sûr aussi. Merci beaucoup Dany Fortin. Merci. On va rappeler d'ailleurs que si vous voulez parler à Dany directement, c'est possible pour faire votre don à CKRL par téléphone 418 640 25 75 poste 201. Il va être à l'affût pour écouter vos dons. Merci Dany Fortin. Merci. Directeur général de CKRL. On accueille, on est très content de la recevoir, celle qui a accepté d'être la porte-parole à faire pour le Radioton de CKRL cette année. Catherine Foster, propriétaire de la Corrigan et Brasseur. C'est un partenaire évident de la station parce qu'habituellement, on s'y retrouve tous les mardis à 17h30. Puis là, avec la COVID, on a pris une petite pause. Mais je suis très contente de voir Catherine aujourd'hui. Bonjour. Salut Jessica, nous autres aussi on s'ennuie là de vous autres, vraiment. Ah. C'est tellement le fun de vous avoir à tous les mardis. On espère que ça va recommencer bientôt. On se le souhaite. Catherine, pour commencer, parce que c'est un partenariat avec CKRL qui a commencé il y a déjà 2-3 ans facilement. On ne compte plus les années quand on s'aime comme ça, mais pourquoi CKRL? Qu'est-ce qui a motivé ton envie de collaborer avec nous? CKRL a une mission culturelle, communautaire et sociale qui rejoint la nôtre, en fait, qui rejoint la mission de la Corrigan. Parce qu'on sait, pour ceux qui connaissent la Corrigan, que c'est pas seulement un restaurant et une microbrasserie, c'est aussi un lieu où on tient de nombreux événements culturels et artistiques. Entre autres, l'émission de CKRL à tous les mardis qu'on avait avant la COVID, mais aussi des nombreux spectacles, ligues d'improvisation, des éco-cinoches en collaboration avec Univers Laval. On a eu des nombreux lancements de livres, lancements d'albums. On a toujours aussi un partenariat avec le Festival de la BD de Québec. Donc, pour nous, la culture, c'est vraiment important. Alors, d'encourager notre radio communautaire locale, ça l'allait de soi. Et c'est vrai, vous avez une programmation culturelle vraiment intéressante, de la danse, des conférences voyages, des dégustations aussi de spiritueux que vous accueillez. Spiritueux, bière, ouais. Cidre, vraiment toutes sortes de produits là. Plus que jamais cette année, et puis avec la COVID-19, on parle d'achat local, de soutenir nos commerçants, de soutenir les producteurs d'ici. Ça a toujours été aussi dans la mission de la Corrigan de travailler avec des producteurs locaux. Oui, tout à fait, de démocratiser en fait les produits des producteurs artisans de la région de Québec ou à Québec même. Donc, ça fait vraiment partie de notre mission là, de démocratiser, d'encourager les micro-entreprises locales et principalement les micro-entreprises dans l'agroalimentaire. Catherine, on a envie de savoir comment s'est passé le déconfinement pour la Corrigan avec tous ces enjeux, visières et masques pour les serveurs, l'histoire aussi des clients qui peuvent pas être assis à un nombre inestimable à table. Donc, comment ça se passe? Ah, c'est vraiment pas évident. On est encore en adaptation. On doit faire face à des changements impromptus de semaine en semaine, parfois de jour en jour. Donc, on est ouvert depuis 2 mois exactement. Ouais. On a réouvert le 20 juin. Et évidemment, au début, il a vraiment fallu qu'on fasse des réaménagements au niveau de nos espaces, au niveau de tout le mobilier, comment il était placé, les tables, les chaises. Il a fallu qu'on installe des plexiglas. On a donné énormément de formations aussi à nos employés. On s'est vraiment informé d'abord sur les règles sanitaires en vigueur. Et ensuite de ça, on a formé notre équipe pour s'assurer que tout soit bien respecté. Et ça fonctionne quand même bien. Là, je vous dirais qu'on est by the book là, de A à Z là-dedans. Puis à chaque fois, on est vraiment à l'affût des modifications. À chaque fois qu'il y a un changement au niveau des règles, on les applique immédiatement. Donc, ouais, on a même eu une visite là, des instances qui sont venues faire une inspection. Puis, on a eu quasiment 100%. Là, ils en revenaient pas comment qu'on était, on était bien installés. Puis, on suivait bien ça. Mais pour nous, c'est important. C'est important pour rassurer nos employés, rassurer nos clients, leur montrer qu'on prend ça au sérieux. Puis, qu'on se sente en sécurité, surtout quand on sort dans un restaurant ou dans une brasserie, effectivement, que les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas encore retournés au restaurant ou à la brasserie. Vous avez retrouvé vos habitués ou pas? Oui, puis même des habitués qu'on avait, là, je dirais, dans les premières années, que ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas revu, qui reviennent. On est content à ce niveau-là là, de voir des anciens visages là, qu'on est habitué de voir dans les tout débuts de la Korrigane. Mais c'est sûr qu'évidemment, ben l'achalandage a quand même diminué. Là, on se le cachera pas, on est à peu près à 60%. Oui, ben capacité réduite, mais aussi parce que surtout l'été, on a quand même une clientèle touristique étrangère qui est assez importante, de plus en plus, qui augmente d'année en année dans le quartier Saint-Roch. Donc, c'est plus seulement dans le Vieux-Québec, c'est maintenant de plus en plus dans les quartiers plus centraux. Donc, on n'a pas cette clientèle-là cette année. Et aussi, une grosse partie de notre clientèle, c'est les travailleurs du quartier Saint-Roch. Donc, en ce moment, la majorité des travailleurs sont en télétravail à la maison. Encore, donc, les tours de bureau sont vides, quasiment vides. Alors, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça nous affecte, mais au moins, on a une belle terrasse. On a pu agrandir notre terrasse dans le stationnement. Donc, les soirs et fins de semaine, on ajoute des tables, des chaises. Et on a tellement eu du beau temps depuis le début de l'été. Alors, ça joue en notre faveur, heureusement. On espère en septembre que, même si on n'a plus la terrasse, ça va continuer, que les gens vont être au rendez-vous, ils vont venir à l'intérieur, mais les aménagements sont bien faits pour respecter la distanciation, puis je pense que les gens peuvent être rassurés là, de venir chez nous sans problème. Puis vous avez de l'espace aussi, vous avez la chance à la base d'avoir une grande brasserie, même sans terrasse, donc on est capable d'espacer les gens à l'intérieur. Oui, tout à fait. Par contre, on est un peu triste de pas pouvoir tenir nos événements, nos multiples événements qu'on tenait, mais on va essayer d'en avoir quand même, là, peut-être en formule plus intime. À suivre. Donc, je vous rappelle que la Korrigane se trouve au 380 rue Dorchester dans Saint-Roch. Allez profiter de cette terrasse qui, franchement, est insoupçonnée parce qu'on a parlé de stationnement. Peut-être que les gens vont se dire une terrasse dans un stationnement. Il me semble que c'est pas compatible. Mais franchement, la Korrigane métamorphose son stationnement à chaque année. Il y a une belle ambiance, des belles lumières. Vous rendez ça vraiment convivial puis agréable pour l'été. Il y a tout un travail d'aménagement derrière beaucoup cette de terrasse. Oui, c'est ça. Jardin urbain, là, c'est quand même du travail, oui. Catherine Foster, merci beaucoup. Je tiens à préciser que tu seras des nôtres pour l'émission d'ouverture du Radioton de CKRL qui se tiendra le vendredi 28 août à 16h. Hein. L'émission d'ouverture, c'est toujours le moment où justement on accueille notre porte-parole à faire. On donne le coup d'envoi aux festivités. On aura aussi les différents députés qui nous soutiennent, qui seront de passage pour nous parler de l'importance de CKRL. Donc, bien hâte de se retrouver à ce moment-là. On vous réserve plein d'autres surprises dans la programmation que je vous détaille dans quelques instants, notamment avec notre porte-parole artistique. C'est un groupe cette année, je vous rappelle, groupe de Québec, Raton Lover, qui nous rejoint dans les prochaines minutes. En journée pour le 5 à 7 ou pour profiter des longues soirées estivales, la terrasse de la brasserie artisanale La Korrigane est un incontournable. Viens profiter de cet îlot de fraîcheur en plein cœur du quartier Saint-Roch. En famille ou entre amis, quoi de mieux que de déguster une bonne bière artisanale et de manger un de nos plats concoctés avec des produits frais et locaux. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Accès à la terrasse via la rue Saint-Joseph. Envie de retrouver les artistes de Québec en chair et en os? CKRL vous invite à la Promenade des Arts les 29 et 30 août, ainsi que les 12 et 13 septembre 2020. Laissez-vous guider par 4 animateurs de CKRL lors d'une visite dans 4 lieux mystères. Des performances d'artistes de Québec vous surprendront. La seule chose que vous connaîtrez, votre point de rendez-vous et d'arrivée, CKRL au 405 3e Avenue. Réservez votre billet gratuit pour la promenade des arts sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. Imagine Van Gogh, l'exposition immersive. Enfin à Québec, au Centre des congrès. Informations au imagine-vangogh.ca. La rentrée est toujours synonyme de nouveautés. Un nouvel enseignant, une nouvelle matière, de nouvelles amitiés, ou encore de nouvelles habitudes comme se laver les mains après la récré, avoir un local attitré, ou porter un couvre-visage quand on se déplace. Cette année, la rentrée est pleine de nouveautés. Et elle sera unique, comme les autres années. Pour que l'école reste l'école, on a mis des mesures sanitaires en place. Et on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Rendez-vous à québec.ca/rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. Le Jardin communautaire du Mont des Lilas est à la recherche d'une personne dynamique entre 15 et 30 ans pour effectuer divers travaux d'entretien d'extérieur pendant 5 semaines à raison de 35 heures semaine. Le Jardin communautaire du Mont des Lilas dans le secteur de Beauport est un organisme à but non lucratif avec plus de 120 lots de cultures florales et végétales cultivées selon les méthodes de culture biologique. Vous êtes intéressé? Faites-nous parvenir votre CV à jardinmontdeslilas@commercialgmail.com ou renseignez-vous sur les jardins communautaires du montdeslilas.ca. Venez vivre l'événement de l'été à Québec. Imagine Van Gogh. L'exposition immersive, enfin à Québec, au Centre des congrès. Informations et réservations à imagine-vangogh.ca. Thank you. petit trottoir. Je veux plus changer trottoir. Raton Lover avec Changer de trottoir à CKRL 89.1, extrait de l'album du même nom qui, bah, il y a jusqu'à pas si longtemps, ils avaient présenté ce groupe de Québec sur la scène du Grand Théâtre. C'était en février dernier, il me semble que c'était le soir de la Saint-Valentin. La veille de la Saint-Valentin. Bah alors, je voulais vous présenter maintenant, mais vous les connaissez déjà parce que quand on vous a dévoilé nos porte-paroles, on a eu la chance de parler avec deux des quatre membres du groupe. Raton Lover est avec nous en tant que porte-parole artistique du Radioton. Je rappelle, mon nom est Jessica Leb, je suis animatrice mais aussi directrice de la programmation. Puis dans quelques instants, je vais vous présenter le fruit de longues heures de travail. Alors bonjour à Raton Lover qui m'a rejoint en studio. Salut, salut. Quatre voix mélodieuses. Oh, merci, j'aime être saluée comme ça. Les gars font des harmonies vocales. Allô. C'est ça, on voit que ça s'est pratiqué pendant le confinement. Raton Lover, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Ça y est, le jour J approche. Hein. Je rappelle que notre événement de financement se tiendra du 28 au 30 août prochain à CKRL. Puis la dernière fois, on avait parlé avec les deux Simon du groupe. On va cette fois céder la parole à Martin et à Frédéric, qui font partie aussi de Raton Lover. Puis j'aimerais savoir pourquoi CKRL est important pour vous. Est-ce que vous avez, par exemple, le souvenir de votre première entrevue à CKRL? Martin, je te sens... Je te sens bien. Je suis un peu gêné en plus, ça va mal, mais c'est CKRL, ça remonte à plus, il y a vraiment longtemps, même avant Raton Lover. Comme, ça vient de notre groupe si avant. Autres... Ouais, que je sais si je dois nommer ou pas. En tout cas, assumons notre passé. En tout cas, ça s'appelait Mélogramme, puis ouais. C'est ça, nos premières entrevues, en fait, ça a pas mal été ici. Puis même aussi avec les ratons, c'est une des premières radios qui a passé notre musique. Tu peux pas dire la première, ça marche pas, vous êtes pas sûr? Je sais pas, ben probablement. Probablement, ça peut être vérifié. On dit pas des niaiseries, ok? Ouais. Non, mais c'est pour être sûr. Ça se pourrait très bien. Ouais, donc c'est ça, parce que c'est... Mais c'est clairement la première radio qui a diffusé la musique qu'on a faite ensemble. Dans le cas de Raton Lover, précisément, je sais pas, mais c'est sûr que le premier... Tu sais, on avait fait un premier EP chez Martien Bélanger en 2007, je pense. Puis je pense que vous aviez déjà diffusé ça. C'était un CD gravé en plus. Là. C'était toi qui faisais le artwork. Ouais, c'est ça, c'est moi qui ça s'appelait Live at the Studio. Ah, c'est merveilleux. Et je vais fouiller dans la collection de CKRL pour voir si je retrouve ce CD, sérieux. C'est pas trop longtemps. Et puis on en diffusera des extraits au Radioton lors de l'émission de clôture à laquelle vous participerez, mais merci Martin pour ces souvenirs. Frédéric Desroches, homme aux mille projets aussi en dehors de Raton Lover, j'ai envie de savoir pour toi qu'est-ce que représente CKRL. Ben moi en fait je vais prendre une quote que mon père a dit il y a pas longtemps. Enfin je suis tombé sur une radio qui est pas insignifiante. Non, mais dans le sens où est-ce que c'est une radio de découverte. Puis je veux dire, je pense que c'est important en fait qu'on ait ça. Et même en fait les gens qui connaissent pas la radio communautaire, qui sont toujours branchés sur des trucs commerciaux, c'est t'as l'impression parce que c'est des trucs commerciaux que c'est ça qui est branché. C'est peut-être branché, oui, mais je pense qu'on n'est pas tous branchés de la même manière. Mmh. Oh, wow! très bien dit. Donc, c'est ça. C'est que je pense que ça représente en fait bien qu'est-ce que c'est, justement. Puis je pense que même ça représente bien Limoilou aussi, tous les projets qu'il y a. Je pense que c'est important que CKRL existe, à mes yeux. Et c'est pour ça, merci Frédéric, c'est pour ça qu'il faudra soutenir CKRL pendant le Radioton, puisque vos dons, vos mises sur l'encan nous permettent d'assurer un bon fonctionnement toute l'année. On a plus d'une centaine de bénévoles aussi qu'on accueille à l'animation de nos émissions toute l'année. Puis bah, je peux vous dire, même à distance, ça prenait des ressources pour pouvoir les accompagner dans les enregistrements d'émissions, et on est très contents d'avoir pu le faire grâce à ce que vous nous donnez à chaque année. Alors Raton Lover, ça y est, vous êtes enfin à 4, on va quand même préciser qu'habituellement il y avait un cinquième membre. Là, sur la photo des porte-paroles, il y a un cinquième membre, mais il ne fait plus partie du groupe aujourd'hui. Ça fait partie de la vie de groupe, ça? Ouais, ben oui. Ben en fait, le groupe a commencé à 4, ouais. Puis ben, il continue à 4. Finalement, on a fait deux albums avec Rick. Puis beaucoup de routes, beaucoup d'aventures. Puis même aussi, il faut dire que le projet Raton Lover, d'où est parti, c'est les membres restants du band qu'on avait avant, qu'il y a le CD gravé, là, en tout cas, qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, on c'est s'en ça, souviendra. Là, c'est des membres. Donc, ça fait quand même vraiment... Ça faisait quand même déjà vraiment longtemps qu'on jouait tous les quatre ensemble. Tu sais, je veux dire, Eric, lui, au départ, le premier album, c'était le réalisateur du band, puis on a tellement eu de fun avec, on a tellement trippé qu'il a comme embarqué dans l'aventure. Mais bon, étant un petit peu plus vieux que le reste du band, ben lui, puis, et habitant quand même assez loin, là, on s'entend, c'est ça, lui, c'était comme plus le temps de comment est-ce qu'il a déjà dit comme ben, prendre plus, sa retraite de vieux rocker ou quelque chose, je sais pas comment. Mais en même temps, c'est comme une retraite manquée parce qu'il a starté son projet puis ça va super bien ses affaires. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir comment il va réussir à rester dans le bois avec tout ça. Mais je lui souhaite de bien profiter de sa forêt du Témiscouata. Dont il vous parlera à chacune des rencontres avec Eric. Eric Blanchard, qu'on salue parce que lui aussi, hein, c'est un grand collaborateur de CKRL depuis bien longtemps dans différents projets musicaux aussi. Il a connu l'envers du décor, il est artiste, mais il a aussi booké d'autres artistes dans son ancienne vie. Donc je tenais à lui faire un petit clin d'œil. Alors Raton Lover, on va vous retrouver à l'émission de clôture de CKRL. C'est la tradition. Porte-parole à faire ouvre le radioton, le porte-parole artistique ferme le radioton de CKRL, donc vous allez jouer pour nous en plus. Donc ça sera le dimanche 30 août de 18h à 20h. Vous avez l'habitude de rejouer ensemble depuis ce déconfinement là, ça y est, ça va. Ben là les gars, êtes-vous dispo cette date là, parce que là je leur ai pas demandé encore. Faut que je regarde mon agenda, je pense que je suis loadé. Ils vont décider ça, puis on aura la réponse d'ici la fin de l'émission. Non, on a recommencé à jouer pour répondre à ta question depuis que c'était permis. En fait, ils ont comme sorti une loi que les studios avaient droit d'ouvrir à partir du 1er juin. À partir du 1er juin, puis aussitôt que ça a été légal de faire de la musique, c'est bizarre ensemble. On a recommencé direct là, fait que, voilà. On a un grand salon, on peut être à 2 mètres, puis après ça, aller au restaurant, puis enlever nos masques, puis se parler comme tout le monde. Mais bon, quand même, on est sage. Oui, oui, oui. Et une nouvelle chanson, peut-être? Ben oui, on a... clôture, j'en parle comme ça, là. Ça, ben là, c'est ça, je nous ai stoulé qu'on a fait une nouvelle tune. Auprès d'une journaliste, ça craint. Ça non plus, je l'aurais pas dit. Mais ouais, c'est ça, on travaille sur du nouveau matériel, mais on travaille toujours sur du nouveau matériel, en fait. Puis, ben, c'est ça, on est bien content de notre nouvelle petite toune. On sait pas, peut-être qu'on va vous la jouer. Oh là là, mais moi, je dis, si on atteint un certain montant, vous aurez pas le choix de la jouer. Je dis ça comme ça. Chers auditeurs, vous le savez, l'encan sur ckrl.qc.ca est ouvert. Puis quand vous allez miser, bah, ça nous assure un certain montant aussi pour CKRL. Je rappelle qu'on a déjà dépassé la barre des 3 000 $ avec un montant amassé au printemps en pré-radioton. Donc bref, on va réfléchir au montant en conséquence, puis on mettra Raton Lover au défi. Si on atteint ce montant, ils joueront leur nouvelle chanson. Ce n'est pas un chantage. Non. Au moment où on se parle. Allez, je vous dis le montant présentement, 3 795 $. Donc, c'est le moment de faire monter ce thermomètre. Raton Lover, donc en 2 heures d'émission, évidemment, on va parler de la clôture de cet encan. À ce moment-là, vous allez nous jouer des chansons. Comment ça va sonner à 4 maintenant, parce que 5, c'est un membre, ça change toujours là, ça fait toujours la différence. Ben ça fait une différence, évidemment, puis ce serait comme carrément méchant de dire que ça n'en fait pas là. Oh non, ça change rien. Non, mais pour vrai, je pense que ça se tient très bien à 4. Puis je pense que étant tous des musiciens d'expérience, puis ayant tous participé à plein de trucs. Tu sais, pour nous, la plus grande difficulté, souvent, c'est d'en mettre moins. Puis c'est toujours facile d'en mettre plus. Fait que, mettons que t'enlèves une personne, ben après ça, tu fais juste ouvrir un peu plus la machine à 4. Puis ben, finalement, ça se place assez rapidement là, musicalement. Là. Surtout Fred, là, les mains élargissent sur le piano. Là. J'ai découvert que j'avais 2 mains. Ça aide pour jouer du clavier, c'est sûr. Ça fait ressortir des éléments, je veux dire, musicalement, tu sais, comme, qui sont plus importants, parce que des fois, il y avait comme plus des petites textures sonores en arrière ou des petites affaires que facilement, en spectacle, tu peux manquer versus je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ben, ça nous aide, en fait, je peux reprendre, ouais. ça nous aide à déterminer qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans le son, puis qu'est-ce qui est plus de l'ordre de l'habillage album. Parce que, tu sais, en album, souvent, on s'est rendu compte au fil des années, on en rajoute des couches, mais finalement, tu sais, il y a un certain nombre de choses qui est essentiel, puis un certain nombre de choses qui sont... Voilà. Fait qu'on toutes les choses que Rick jouait qui sont essentielles sont rejouées par d'autres musiciens, finalement. Ah ouais, vous êtes plus répartis les ouais, les on sait parties ça, on s'est répartis, finalement. Voilà. Ça promet. Alors, Raton Lover, c'est le genre de groupe où vous leur dites, bah, venez en formule acoustique, donc ils ont leur formule mini-rock. C'est ça tout que vous allez nous proposer, a priori, à la clôture? Bah, ça va être moyen rock. Moyen rock! Moyen rock. Ça fait tellement longtemps qu'on est resté enfermé chez lui. Ben, on a le goût d'attirer. Ouais, on va sortir la... Sortir l'artillerie quand même un peu, mais... L'artillerie moyenne, hein, c'est ça. Mm-hmm. Puis est-ce que Bruno sera là, votre mascotte? Parce que Raton Lover, il y a Raton, hein, on se rappelle. Puis il y a le Raton Laveur qui est sur scène avec Raton Lover. Ouais, c'est ben, Bruno, il n'a pas manqué un show à date, là. Fait que je pense que... Il a déconfiné lui aussi? Oui, là, de ce temps-ci, là, il se fait vibrer sur l'ampli à Martin pas mal. Là. Ah, c'est pour ça que je le voyais pas, il est en arrière de siège, moi. C'est comme un siège masseur. Okay, ouais. Mais bon, ouais, il va être présent, évidemment. Très bien, bon, on le salue. On a très hâte de le voir aussi pour son soutien à CKRL. Je ne lui ai pas encore posé la question, ça sera certainement l'occasion. En musique. Oui, tout à fait. Alors, pour continuer dans cette programmation du Radioton, d'ailleurs, que vous retrouverez sur le site ckrl.qc.ca, je vous l'ai dit, on ouvre ça en grand. Donc, dans une semaine, hein, le vendredi 28 août, dès 16h, avec l'émission d'ouverture et notre porte-parole à faire Catherine Foster. On aura ensuite une heure avec Hera Ménard. C'est le temps de vous confirmer nos artistes invités qui seront également en performance. Hera Ménard, que vous connaissez pas mal à CKRL en tant que remplaçante dans Première Loge à l'animation. Pour Première Loge et les Matins éphémères, mais c'est aussi une artiste folk country qui a vraiment de très très belles chansons dans son univers d'auteur compositrice interprète, puis elle passera une heure avec nous le vendredi 28 août de 17h à 18h, une émission animée par une ancienne animatrice de CKRL mais qui est toujours au rendez-vous pour le Radioton, Guylaine Saint-Pierre. De 18h à 20h le vendredi, vous retrouverez Jean-Sébastien Grondin et Étienne Parent-Lebourdet pour Soulfinger, une émission que vous retrouvez dans la programmation d'été de CKRL. Alors c'est des rythmes du monde, de la musique funk qui nous fait bouger à l'approche de la fin de semaine, puis on vous propose des accords un peu particuliers avec cette musique, mais pour l'instant, je peux pas en dire plus. Il y aura certainement des invités en studio pour cette émission. Je précise aussi qu'habituellement, au Radioton de CKRL, on vous invite à venir au 405 3e Avenue pour assister aux émissions. Cette année, à cause de la COVID-19, on ne pourra pas accueillir du public à grande échelle comme on le fait habituellement. Mais je rappelle que vous pourrez passer à CKRL pour faire vos dons ou acheter un sac culturel surprise dans lequel, qui sait, on trouvera des disques de Raton Lover, des tatous aussi. Vous avez eu toutes sortes d'objets à votre effigie, d'ailleurs, Raton Lover. Tout à fait, c'est Bruno Savard qui les confectionne. Ah oui, c'est pour ça qu'il ne peut pas être là aujourd'hui. Ben oui, c'est ça, là, il est en train d'imprimer des CD puis écrire live at the studio dessus. C'était donc lui déjà à l'époque. Je vous rappelle aussi, le vendredi 20h, c'est un rendez-vous avec le blues à CKRL et l'émission Rue d'Auteuil. Vous retrouvez l'équipe de l'été pour Rue d'Auteuil avec Vincent Delisle, Jacques Dulac et un invité qui reste en cours de confirmation, mais évidemment, ça sera blues. À 22h, c'est le contraste total avec le métal à CKRL. On vous réserve un beau rendez-vous cette année parce qu'on le sait, hein, Québec, c'est une ville de métal et on va vous réserver le premier quiz, le quiz Opardi de l'enfer, concocté par Olivier Bercelli. Est-ce qu'il y a des amateurs de métal dans le groupe Raton Lover? Ah, ben, on parle de nos anciens bands. Très de jouer dans un band de métal. C'est une ancienne vie. Là. Ah! Tiens. Bon, alors on verra si tu seras capable de répondre au quiz métal d'Olivier Bercelli. Il y aura ensuite une édition toute spéciale. Alors attention, ça promet. J'ai eu le plaisir de vous annoncer que Metallica fera partie du Radioton de CKRL. Boy! Oh, ça va être fou. Et oui, parce que si vous avez suivi un petit peu l'actualité de Metallica, bah, si vous êtes amateur du groupe, ils vont sortir un album ce vendredi-là, le vendredi 28 août. Et pour l'occasion, ils préparent quelque chose d'un peu spécial dans l'émission Démentiellement Vôtre d'Olivier Bercelli. Alors, il va nous en parler dans les prochaines minutes parce que je vais l'appeler pour qu'il nous en parle. Et puis, je vous rappelle que les nuits de CKRL sont toujours bien animées aussi. On aura les geeks contre croisade le samedi dès minuit pour une nuit de jeux de rôle autour de CKRL, mais version médiévale. Alors, imaginez que CKRL devient un village médiéval avec toutes sortes d'échanges à faire de pièces de l'époque. J'ai bien hâte de voir. C'est les geeks, hein, qui nous préparent ça. Donc, vraiment tout un jeu de rôle qui durera, tenez-vous bien, 4 heures en version radiophonique, ils sont crinqués. C'était prévu au printemps, je suis très contente de pouvoir les accueillir pour cette édition de jeux de rôle dans la programmation du Radioton. On poursuit le samedi 29 août dès 9h, on passera une matinée avec Webster et Five for Trio que j'imagine vous connaissez, Raton Lover autour de la table. Webster qui a allié son rap avec le jazz de Five for Trio, jeune groupe jazz qui déjà se portait très très bien tout seul, mais alors là l'union des deux, c'est assez explosif. J'ai très hâte d'entendre ça. Et ils seront en performance à CKRL pour l'occasion. Je rappelle qu'on n'accueille pas de public, mais vous allez entendre toutes ces performances à la radio et on sera en direct sur la page Facebook de CKRL à chaque prestation aussi pour vous permettre de vivre ça ensemble. Des tables rondes aussi, ça fait toujours partie du menu du Radioton. Alors, je vous annonce qu'on en aura plusieurs, évidemment consacrées à la relance culturelle, puisque c'est le thème de notre Radioton cette année, mais aussi le numérique. On peut pas passer à côté avec toute notre attention qui a été portée sur les réseaux sociaux, notamment pendant le confinement. Alors, je m'intéresse à un secteur, justement, les réseaux sociaux, mais en tant que secteur professionnel, sera-t-il le secteur qui ne connaîtra pas la crise? J'en parlerai avec mes trois invités spécialistes des réseaux sociaux, Pascal Lou Angelillo, Éric Lamirande et Julie Rochon, qui démystifieront donc ce fameux métier de gestionnaire de réseaux sociaux à l'heure où, bah, souvenez-vous, il y a quelques années, n'importe qui, bah, même encore aujourd'hui, n'importe qui peut publier sur les réseaux sociaux, mais maintenant c'est devenu un art, c'est devenu une stratégie marketing aussi. J'imagine pour Raton Lover aussi, il y a une stratégie réseaux sociaux. Il y a une stratégie réseaux sociaux, il y a un aspect aussi de ça que je ne sais pas si vous allez aborder, mais il y a aussi une certaine perte d'autonomie de la part des artistes envers le public. Parce qu'avant, tu rejoignais directement ton public par, mettons, ton site web. Mais maintenant, tu n'as pas le choix de passer par Facebook. La multinationale s'impose littéralement entre toi et rejoindre quelqu'un. Puis même, on s'appelle même plus au téléphone, on s'envoie des messages sur Messenger. Donc, c'est ce type de communication-là vient s'interposer entre nous, entre tous nos liens. Puis je pense qu'il y a des belles questions à se poser par rapport à ça, personnellement. Bah, très bien, ça me donne une idée. C'est moi qui animerai cette table ronde, donc merci. Tu viens de me donner une ressource pour mes panélistes, effectivement. Puis bah, on parle de Facebook, mais ça vaut pour Instagram aussi. Je pense que c'est Martin, le spécialiste d'Instagram, dans le celui qui aime Instagrammer, là, on va dire. Ouais. Il me semble que j'ai vu ça. Donc voilà, on parlera évidemment de la place de ces réseaux dans nos vies, puis surtout d'un point de vue professionnel. On va continuer avec une autre table ronde le samedi à midi. On parlera de nourriture et on parlera de ces entreprises alimentaires qui ont été débordées pendant la COVID-19, qu'il s'agisse de banques alimentaires, de restaurants qui ont fait le virage livraison ou encore d'entreprises qui avaient une activité bien tranquille avant la COVID et qui ont été débordées parce que justement ils se sont tournés vers un secteur dont que tout le monde voulait, la livraison. On en parlera avec nos invités lors de cette table ronde. Je fais une petite pause ici sur la programmation du Radioton, puis je vous parle de la suite de la journée du samedi et du dimanche dans la suite de l'émission. Raton Lover reste avec moi. On a Catherine Foster aussi, notre porte-parole affaires, qui est là avec nous. Jessica Leb, directrice de la programmation. Puis restez là, on est ensemble jusqu'à 17h30 très facilement sur les ondes de CKRL. Des fois, le party dure trop longtemps. C'est là que j'ai besoin d'un petit remontant. Les concerts vous manquent? La brasserie artisanale La Korrigan vous propose de venir profiter virtuellement et gratuitement de la programmation 2020 du Festival de musique francophone de Notre-Dame-de-Pontmain, dans le plus strict respect des normes sanitaires en vigueur. À tous les samedis soirs, entre le 25 juillet et le 22 août, des concerts virtuels seront diffusés sur notre écran géant à compter de 20 heures. Pour plus de détails sur la programmation, corrigan.ca. Au plaisir de célébrer la culture francophone avec vous. Envie de retrouver les artistes de Québec en chair et en os? CKRL vous invite à la Promenade des Arts les 29 et 30 août, ainsi que les 12 et 13 septembre 2020. Laissez-vous guider par quatre animateurs de CKRL lors d'une visite dans quatre lieux mystères. Des performances d'artistes de Québec vous surprendront. La seule chose que vous connaîtrez, votre point de rendez-vous et d'arrivée, CKRL au 405 3e Avenue. Réservez votre billet gratuit pour la Promenade des Arts sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. La rentrée est toujours synonyme de nouveautés. Un nouvel enseignant, une nouvelle matière, de nouvelles amitiés ou encore de nouvelles habitudes comme se laver les mains après la récré, avoir un local attitré ou porter un couvre-visage quand on se déplace. Cette année, la rentrée est pleine de nouveautés et elle sera unique comme les autres années. Pour que l'école reste l'école, on a mis des mesures sanitaires en place et on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Rendez-vous à québec.ca/rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. La COVID-19 est un virus extrêmement contagieux. Mais on peut freiner sa transmission sans freiner ses envies de voir des gens. Quand on invite son entourage à la maison, au chalet, c'est 10 personnes maximum, c'est 2 mètres de distance entre les gens. Ce sont des verres, des assiettes identifiées. C'est éviter de partager les objets. C'est se laver les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes. C'est nettoyer les surfaces communes, puis c'est demeurer vigilant. Le virus est toujours présent. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Salut, ici Simon de Raton Lover, fier porte-parole de l'édition 2020 du Radioton de CKRL. J'ai grandi au son de la musique progressive grâce à Denis Barry puis à mon père qui faisait de l'opineur du chef sa messe du jeudi soir. Si vous êtes comme moi, vous voulez soutenir CKRL et la relance culturelle, c'est un rendez-vous pour le Radioton les 28, 29 et 30 août prochains. Les couleurs sonnent comme des diamants dans un œil de verre, le cristal danse dans ton sang. La vie est un cauchemar. Savoir, rien apprend, rien donner, mais recevoir. J'en déshonorerai le temps, fièrement arborer les temps de l'ignorance et les rampantes. Serait sa fin, la fin des temps, chaque personne devra rendre compte. Si tu crains la mort, c'est que tu n'as pas compris la vie. Accepte le moment où ton âme et ton corps se préavis. Et si tu avances de palais, faisant fi de tout obstacle, abris ton pense décalé, détaché, fui de tes obsèques. Si t'en es obsède, faut qu'autoriser l'abcès, ne pas le guil à la racine, fait qu'autoriser l'accès de ton esprit aux forces de l'ombre, de la rancœur et ses cohortes. Et si commence, c'est que du blood, c'est mis du que l'une à or, remonte jusqu'à la tête. Voilà pourquoi tu vois rouge, embrouillé, tu deviens bête. Le noroc, c'est farouche. En cours de route, tu réalises une bataille. Ne plus gérer tous ces doutes qui se bousculent au portail. Reste vaillante, tête ha, le cœur vers la bataille. Mais les yeux vers le sky, les yeux vers le sky, le cœur vers la bataille. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. No sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. No sunshine when she's gone. Marcher dans les pas des autres, ne laisse jamais de traces. Sortir des sentiers battus, le manque d'adresse et du courage. Y'a que dans le dictionnaire, succès vient avant travail. Les dividendes avant l'effort, glorieux avant honorable. Dans le cadre de vie normale, tout gain est proportionnel à l'énergie insufflée, logique propre et rationnelle. Si ton écorce c'est comme le rock, alors t'es opérationnel. Bombe le torse, mais reste humble jusqu'à ce que ton air sonne. Navigue en haut, qui pourra te raisonner. À l'abordage, c'est le corsaire avec des paroles qui résonnent. Si l'esprit persévère, le reste du corps se résigne. Focusé de tout son âge, jusqu'à ce que l'âme est invisible. Elle est basique, nous l'est invincible. L'ingéniosité du fer avec une flèche invincible. Je reste honnête, même si parfois je me parjure. Quand même, le monde brisé donne l'heure exacte, une fois par jour. sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine. I know. Reste vaillant, tête high, le cœur vers la bataille, les yeux vers le sky. Reste vaillant, tête high, le cœur vers la bataille, les yeux vers le sky. Reste vaillant, tête high, le cœur vers la bataille, les yeux vers le sky. On dit que j'étais étrange et que j'allais regretter tout. À chaque fois, ça m'encourage à pouvoir. Qui l'eût cru, un très très beau mélange entre le rap et le jazz de Québec en plus. Webster et Five for Trio, on vient d'entendre Reste Vaillante, également collaboration de Valérie Clio que vous avez peut-être reconnu. Alors si vous voulez entendre Webster et Five for Trio, faudra être à l'écoute de CKRL le samedi 29 août en matinée entre 9h et 11h pour une émission toute spéciale avec performance. Ça sera d'ailleurs animé par Gilles Chaumel. Jessica Leb avec vous pour la suite de ce dévoilement de la programmation du Radioton 2020. Je suis toujours en compagnie de nos porte-paroles artistiques Raton Lover, groupe de Québec qu'on suit depuis ses tout débuts, donc à l'époque d'un EP gravé avec le nom de groupe Mélogramme. Je vous la ressortirai toutes les fois. Maintenant que c'est l'anecdote de la journée. Mais ça nous a fait vivre de quoi d'assez intense. À un moment donné, on était en France, on jouait... en Belgique. C'est en Belgique qu'on était au FIMU. Puis... Ah, juste en France. Non, pas au FIMU, excuse, à Ouvert du Rock. Ouais. Ouvert du Rock, ouais, en Belgique, puis on fait du pouce pour remonter vers la citadelle, puis un gars qui nous embarque, puis il est en train d'écouter notre CD gravé dans son char. Ah ouais! Tu sais, c'est quoi les chances que ce gars-là il aille acheter de la merch qu'on a gravé nous autres, même à Sainte-Foy? Puis là, il est en train d'écouter nos tunes, on est comme, ben voyons, c'est-tu à la radio, c'est quoi qui se passe? En tout cas, c'était drôle. Mais bref. Comme quoi, ça a quand même voyagé, ce groupe-là, voilà. Dont ouais. Vous êtes si fiers aujourd'hui. Dans le temps que les CD existaient encore. Ouais. Oui. Catherine Foster, porte-parole affaires, qui est toujours avec nous. C'est une découverte, le groupe Raton Lover, pour toi? Oui, ben oui, c'est une découverte pour moi. Puis je pense qu'il était venu à Corrigan aussi. Je les invite souvent. Ouais, ça se peut-tu? Oui, ouais, ben, des perfos. Puis avant ça aussi, j'étais venu faire. J'étais avec Martin, puis Rick, je pense. On était venu faire une toune ou deux avec Whiskey Legs. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Ouais, à peu près, ouais. Fait que on est des habitués quand même de la Corrigane. Ouais, on s'est croisés là. Ça fait quand même 10 ans à la Corrigane, fait ouais. Que il y a une couple d'artistes qui ont passé chez nous, qui ont déjà leurs habitudes chez vous. Ouais. Qui connaissent l'adresse très bien. Bon, on va continuer cette découverte de la programmation du Radioton de CKRL qui, je vous le rappelle, se tiendra du 28 au 30 août prochain. Je vous ai dit tout à l'heure, Metallica sera au Radioton de CKRL. Puis bon, faut bien une explication à ça. Je veux que je le dis, les gens me regardent. Non, ben oui. Mais maintenant, c'est au tour d'Olivier Bercelli d'expliquer ça. Notre animateur de métal à CKRL. Bonjour, Olivier. Des hommages. Et bien contente de t'avoir. Olivier, c'est pas souvent qu'on t'entend au retour à la maison? Non, ben, dès qu'il y a de la lumière, d'habitude, je me cache dans un sol ténébreux. Mais mon émission, le gros cliché. Ouais, c'est ça. Olivier, explique-nous. Metallica au Radioton de CKRL. Comment ça se fait? Il y a 20 ans, Metallica a joué avec l'Orchestre symphonique de San Francisco et ils ont lancé un spectacle Metallica SNM. Et l'année dernière, au mois de septembre, Metallica a repris du service avec l'Orchestre symphonique de San Francisco. Ils ont fait un peu comme à Québec, là, ils ont inauguré un nouveau bâtiment là-bas. Puis ils vont lancer vendredi prochain SNM 2, Symphonic and Metallica 2 pour traduction libre. Et on aura un enregistrement qui a été fait par les gars de Metallica, en fait une entrevue avec un homme de radio qui s'appelle Andy Hall des États-Unis, mais on aura des extraits d'entrevues qui parlent de ce show-là et la démarche artistique de Metallica tout au long de ce processus de refaire l'orchestre symphonique, de refaire un spectacle avec l'orchestre symphonique. Et dans le cadre du Radioton, ben j'aurai des invités avec lesquels on pourra discuter un peu de ce qui se dit pendant cette entrevue avec Metallica. C'est pas comme en 2009 quand j'étais allé interviewer Robert Trujillo à Montréal pendant la tournée de Death Magnetic. Là, je pouvais poser mes vraies questions, mais dans ce cas-ci, on va quand même avoir des explications sur le lancement de ce coffret spécial de vendredi prochain de SNM2 de Metallica. Puis ça va être vers 23h, parce que c'est la deuxième partie de l'émission. On aura une heure consacrée à Metallica, et la semaine suivante, je fais du pouce là-dessus, on aura l'entrevue complète qui dure environ 2 heures, plus le spectacle à vous diffuser après démentiellement vôtre, de minuit à ce qui s'ensuit. On aura un spécial Metallica, parce que quand même, je vois qu'il y a un orchestre symphonique pour un band metal. Il y en a du metal symphonique, mais dans ce cas-ci, tu sais, Metallica, c'est un peu le Rolling Stone du métal, si on peut se permettre. Alors, c'est un événement assez exceptionnel. Pour le nombre de fois où ils sont venus jouer à Québec, au Québec aussi, on leur doit bien cette place. Effectivement. Mettons que ça va en intéresser plus d'un. Puis, on pourrait dire dans les marchés de radio américains ou anglais, ça va... Comment je peux dire? C'est peut-être plus d'usage d'avoir des entrevues en anglais, puis des contenus comme ça, mais là, ce qui va être plaisant, Radioton, c'est qu'on va pouvoir les commenter puis agrémenter tout ça d'anecdotes, de spectacles. Puis j'aurai avec moi un fan de métal bien connu dans le cercle du métal à Québec, Bob Girard, qui en a vu des shows de Metallica et qui aura certainement des anecdotes à nous conter. Bref, ça va être une espèce de discussion de salon Metallica symphonique de 23h à minuit. Ça promet, Olivier. Franchement, je trouve que le timing est excellent pour cette émission. Donc, c'est une façon de dire que Metallica sera avec nous au Radioton de CKRL. Merci beaucoup, Olivier Bersoli. Salut. On te retrouve à l'animation de Démentiellement Vôtre, de manière générale, de toute façon, le vendredi de 22h à minuit. Puis, on rappelle aussi que CKRL est certainement l'unique radio à vous diffuser un album métal, une nouveauté métal de la semaine, juste après cette émission de minuit à 1h du matin, dans la nuit du samedi. C'est tout à fait incroyable. On en est très fiers. Hein. CKRL, c'est aussi cet éclectisme musical, parce que tous les styles de musique sont représentés à notre station. Alors, je continue autour de la programmation de CKRL pour le Radioton, donc 28 au 30 août, je vous le rappelle, émission de musique latine animée par Ingrid Cabeza, Cité Latina, ira à la rencontre d'artistes latino-américains fièrement québécois. Je vous dévoilerai les noms dans ces prochains jours sur nos réseaux sociaux. Ça sera à suivre de 18h à 19h30 le samedi. Une très très belle venue d'une artiste bien aimée aussi à Québec. On la connaît en blues, mais c'est un album plutôt rock qu'elle vient tout juste de sortir. Son 11e album studio, Angel Forest, sera avec nous le samedi 29 août dès 18h en entrevue et performance. Et franchement, si vous n'aimez pas le blues, il faut la voir, parce qu'elle est capable de convaincre n'importe qui qu'elle a de la voix et que c'est quand même tout un art de chanter de cette façon. Le samedi à 21h, on retrouvera notre émission consacrée aux 18-25 ans méconnus, animée par Calypso Lemoine et Théa Paradis, qui provoqueront une rencontre entre un jeune artiste méconnu, entre 18 et 25 ans, et un artiste établi du même domaine. Je pense qu'on est parti pour parler théâtre cette soirée-là, avec une rencontre de comédiens. Donc, quels ont été les trucs du comédien établi à ses débuts pour percer? C'est ce genre des chances qu'ils vont avoir dans cette émission. Côté rock, on est toujours bien servi à CKRL, toujours le samedi soir. C'est un rendez-vous dès 22h avec Éric Bédard, que vous connaissez à l'animation de Prescription Punk Rock. Une émission toute spéciale de 2 heures qu'il va nous proposer autour des classiques de Prescription Punk Rock et performance du groupe de Québec Kung Fu Romeo. Alors, ça va être un défi, parce que ça va être du punk en acoustique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça se peut, hein. Oui, absolument. Ouais, ouais, puis c'est des bons musiciens, là, Kung Fu. Vous Romeo, les connaissez aussi? Donc, oui. Ouais, ouais, ouais. Ça va être bien. Ben, même si on pense au le groupe Violent Femme, c'était pratiquement ça. C'était du punk acoustique. Mm-hmm. Et ça marche. On va voir ça donc samedi 29 août dès 22h. L'autoroute, c'est notre émission nocturne du samedi au dimanche, minuit, 4h du matin habituellement, mais là ils vont pousser jusqu'à 5h. Il faut se dire, cette équipe-là, toute l'année, ils animent de nuit. Ça m'impressionne. Puis pendant le confinement, ils nous ont préenregistré des émissions de 5 heures. Donc si c'est pour pas dire la passion qu'il y a autour de cette émission, puis toutes les demandes spéciales que reçoit l'émission L'Autoroute. Alors ils vont vous consacrer une émission spéciale autour des meilleures chansons enregistrées en spectacle dans les années 60 à 70. Vous y retrouverez Jacques Dulac, Vincent Delisle et Stéphane Villeneuve à la barre de l'émission. Tout un rendez-vous qu'ils vous réservent. Et je pense que les demandes spéciales sont en cours d'ailleurs pour cette émission. Je vous prépare aussi une table ronde le dimanche matin sur les coulisses de la couverture de la Covid-19 côté point de presse. Une petite pensée à tous ces journalistes qui devaient se remuer vraiment les cerveaux pour poser des nouvelles questions à chaque point de presse. On s'en est beaucoup moqué évidemment pendant le confinement. Il y en a eu des très marquantes aussi. Je m'entretiendrai avec trois journalistes de Québec qui ont couvert les points de presse de la Covid-19, puis on parlera un peu de l'envers du décor. Toujours dans l'idée de la relance culturelle, dimanche midi, cette fois le 30 août, on aura une émission intitulée « En route vers l'inconnu ». L'année culturelle 2020-2021, ça va être animé par Raymond Poirier. Ça fait bien rire évidemment le groupe autour de la table, puisqu'on va jeter un coup d'œil sur cette rentrée puis sur les mois à venir. À quoi on peut s'attendre pour cette année culturelle qui va être bien spéciale. Là, à l'heure où on se parle, les festivals sont de nouveau autorisés, mais c'est 250 personnes maximum. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre avec ça? Raymond Poirier fera le tour de la question avec des animateurs de CKRL spécialisé dans bien des domaines, Gentiane La France pour les arts visuels, Pierre Blais pour le cinéma notamment. Je précise aussi que samedi soir, je l'ai manqué celle-là, il y aura une table ronde sur les événements culturels. Pourront-ils réellement se réinventer? Le verbe qu'on a utilisé à toutes les sauces justement pendant les points de presse. On fera le point sur tous ces nouveaux concepts qu'on a pu expérimenter pendant le déconfinement de la culture. On aime les quiz à CKRL, particulièrement pendant le Radioton. Le dimanche à 15h, on aura le colossal killer rocambolesque et logarithmique quiz. C'est pas moi qui l'anime pour le nom. Ça sera Guy Langlois. Donc un petit quiz de culture générale et musicale avec des animateurs de CKRL. Ça sera à la bonne franquette. On a aussi une relève bien importante à CKRL. Les enfants du Machin Club, âgés entre 6 ans et 13 ans à peu près, ils ont une émission à tous les dimanches de 19h à 20h. Ils couvrent notamment l'actualité culturelle à Québec. Ils vont visiter différents endroits pendant l'été et ils ont toujours des sujets incroyables. Franchement, quand je vous dis que c'est la relève journalistique, dimanche 30 août à 16h, leur émission s'intitulera « Notre histoire autochtone » et ils vont s'intéresser aux artistes autochtones de Québec, de la région, voire même de la province et parler avec eux des enjeux qu'ils rencontrent présentement. L'idée vient des enfants. C'est pour vous dire, c'est assez incroyable, on les écoutera dimanche 30 août à 16h. À 17h le dimanche, et ça sera notre avant-dernière émission avant la clôture, Racine Musicale, votre rendez-vous reggae en 5 à 7 que vous retrouvez habituellement le dimanche. Cette fois avec invités, on y retrouvera Bigou et Natty Hits côté animation, leurs invités Papati, bien connu dans le monde du reggae à Québec, et Capitaine Dent de Lion qui vient tout juste de faire paraître un album reggae. Reggae agricole, c'est très en vogue. Donc un reggae vraiment en français qui va vous inspirer juste avant la clôture. Puis je vous rappelle, à la clôture, on retrouvera Raton Lover pour cette performance inoubliable à l'émission de clôture. Ça fait beaucoup de choses, hein? Ouais, mais c'est drôle parce que tu sais, je t'écoutais parler de la programmation, puis c'est représentatif de CKRL, puis c'est représentatif de ce qu'on aime de CKRL, puis c'est en plus c'est représentatif de la ville de Québec, parce que tu sais, nous mettons, je fais le parallèle, on est des musiciens, on pour être actif, il faut qu'on joue de tout là. Tu sais, il faut qu'on fasse partie un peu de toutes les communautés pour réussir à gagner notre vie là-dedans. On joue de tous les styles, puis je trouve qu'il y a quelque chose aussi de parallèle avec CKRL, c'est que justement on vient de parler de metal, de reggae, de rock, on a parlé de hip-hop, jazz, on a parlé de toutes sortes de styles de musique aussi latino-américaine, mm-hmm. puis tout ça dans une belle complémentarité, puis c'est ça qui est le fun, c'est hyper varié, puis ça nous fait piger un peu dans tout ça, puis moi je trouve ça vraiment great. Ça représente beaucoup notre background aussi. Ouais, ben à quelque part, de petits gars de Québec là, qui, ouais, ben, qui jouent avec tout le monde, qui font un peu de tout. Là. Ou fait même à l'école, là, tu sais, je veux dire, le jazz, c'est ce qu'on apprenait là, avec le classique, la musique du monde aussi, puis des trucs de même. Par après, ben, quand on a fait des jams. Et genre, les jams de la Ninkasi, il y a bien des styles servi, que là, j'ai appris à jouer sur le stage. Ouais, on les a appris. Ouais, il y en a qui qu'on a appris à la dure, je sais dire. Frédéric Desroches, qui fait partie de la Ligue d'improvisation musicale de Québec aussi, il faut connaître tous les styles, clairement. Oui, mais je pense qu'il faut juste plus avoir du gut, puis faire semblant que tu connais le style. Une fois sur le stage. C'est ça le secret. C'est quand même, c'est quand même chaud, mais quand même, c'est sûr que c'est le fun d'avoir quand même des connaissances quand même des styles, parce que ça paraît, mettons, que tu ben, ça fait, je veux dire que ça arrive quand même souvent que les deux équipes s'affrontent puis ils ont aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'ils disent genre dans le style d'eux, mais ils ont nommé quelqu'un que personne connaissait, donc des fois c'est ben, ça fait partie du show, c'est drôle puis on a bien du fun. C'est beau l'envers du décor, hein, quand on connaît tous vos secrets comme ça. Catherine, à la Korrigan aussi des événements bien éclectiques, on en parlait tout à l'heure, des artistes en tout genre qui viennent vous voir à la Korrigan. Oui, vraiment. Puis dans plein de domaines différents, là, c'est vraiment une partie qu'on aime beaucoup, puis qu'on espère pouvoir reprendre rapidement. C'est comme si on nous enlevait un bras, là. Tu sais, comme je disais, on est pas juste un simple restaurant ou juste une microbrasserie. Là, on est vraiment un lieu d'événements artistiques et culturels. Puis on espère pouvoir continuer dans cette direction-là. C'est vrai, c'est intéressant d'entendre que dans vos réalités respectives, artistes comme entreprise, on vous a enlevé un bras, on vous a enlevé une partie de votre fonctionnement quand ouais, même. Là. Tout à fait. Donc on en reparlera, on va avoir le mot de la fin dans quelques instants. Je veux juste rappeler que l'encan de CKRL est exceptionnellement ouvert sur notre site internet une semaine avant le Radioton. Vous pouvez donc déjà consulter les lots d'encan et miser dessus. La fermeture des lots est prévue pour l'émission de clôture le dimanche 30 août à 20h. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a vraiment pour tous les goûts. On n'a pas détaillé les lots, évidemment, il y en a 93. Mais des restaurants, du spa, du massage, des sorties à la CEPAC, par exemple, de l'hébergement. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses aussi. Je sais que c'est important. Le mot encan peut faire peur. Il y a autant des œuvres d'art, oui, à plusieurs centaines de dollars, mais aussi des petits lots, comme des lots de loisirs, là, qui nous feront plaisir à un moment donné. Vous penserez à ces KRL quand vous utiliserez votre lot, tout simplement. Je veux juste dire aussi que hier, on a dévoilé la promenade des arts, événement qui se déroulera en même temps que le Radioton de CKRL, à savoir les 29 et 30 août prochains, ainsi que les 12 et 13 septembre. C'est une façon d'avoir un événement qui va décloisonner un petit peu le Radioton, mais c'est vraiment une activité séparée, je tiens à le dire, puisque c'est une promenade gratuite et tous les profits seront remis aux artistes participants. Dans la promenade des arts, vous allez pouvoir suivre quatre animateurs et animatrices de CKRL qui vous emmèneront dans une promenade artistique guidée. La seule chose que vous connaissez de cette promenade, c'est votre point de départ et votre point d'arrivée, CKRL au 405 3e avenue. On vous donne rendez-vous là sur réservation et ensuite vous êtes parti pour une promenade d'une heure et demie qui se fait à distance de marche. Et dans les quatre lieux, vous allez vous arrêter. Vous allez avoir une performance de 10 minutes par un artiste de Québec. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a 6 disciplines artistiques qui sont représentées. Et il y a 4 lieux. Donc, il y aura aussi des mariages intéressants à découvrir. Toutes les informations sont aussi sur notre site internet, ckrl.qc.ca. Vous pouvez réserver votre billet gratuit, puis j'insiste là-dessus, ça nous permet de contrôler les groupes, hein, pour pas qu'on se retrouve avec des trop grands groupes. On va être limité à 12 personnes pour la promenade. Et donc, en réservant votre billet, bah, vous vous assurez une place. Le parcours aura lieu beau temps, mauvais temps. Je vous dirai pas pourquoi, mais on va pouvoir le faire, même s'il pleut, quoi qu'il en soit. Donc, merci d'ailleurs à l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la ville de Québec qui nous permettent de réaliser ce projet en même temps que le Radioton. Alors, je remercie mes porte-paroles qui ont été avec moi pendant toute la durée de l'émission. Catherine Foster, on se retrouve pour l'ouverture dans à peine une semaine, alors, du Radioton. À bientôt, puis je vous souhaite un beau Radioton. Merci beaucoup Catherine, puis d'ici là on va à la Korrigan, hein, pour profiter de la terrasse. C'est encore temps, ça se refroidit un petit peu, mais ouais, c'est encore agréable. Il annonce beau temps fin de semaine là, fait que c'est le temps d'en profiter. 380 rue Dorchester dans Saint-Roch, si vous voulez aller à la Korrigan, vous prenez les réservations ou pas en temps de COVID? Oui, on prend les réservations pour des petits groupes là, 6 à 10 personnes, Maximum. Merci beaucoup, Catherine Foster, porte-parole affaires du Radioton 2020 de CKRL. Raton Lover, plus en forme que jamais. Merci d'avoir été là. Les quatre membres du groupe, je vais quand même dire leur nom. C'est pas juste des ratons lovers, là. Martin Plante, Frédéric Desroches, Simon Guénard, Simon Lachance. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et puis, on se retrouve donc, quant à nous, le dimanche 30 août à 18h. Il s'en sera passé des choses d'ici là. Oui, on a vraiment hâte. On ne fait pas beaucoup de spectacles ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi. Mais on a bien hâte de jouer. Ouais. Bon, on vous voit quand même dans d'autres projets de d'autres artistes. Hein, vous en avez accompagné plusieurs. Simon, je t'ai vu avec un autre duo de Québec, Kinked. Jérôme, 50 avec Martin aussi. Ouais, toi, Fred, tu joues avec Kit Kuna. Voilà. Qu'est-ce que tu avais? Tu as plein de projets. Ben, j'ai des projets beaucoup de... Rapproche-toi, Fred. Un exemple de même, genre musique pour enfants. C'est des trucs de même qui arrivent. Mais il en faut pour tous les goûts. Vous l'avez dit, vous êtes éclectique. Donc c'est bon pour ça. Merci encore. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à toi. Quant à vous, chers auditeurs, restez là. Je vais vous laisser avec justement quelques artistes du Radioton de CKRL. Je vous ai parlé d'Angel Forest qui sera avec nous donc le samedi 29 août à compter de 18h. Également, Hera Ménard qui sera avec nous le vendredi 28 à 17h. Puis évidemment, on va écouter Raton Lover aussi, qui signe d'ailleurs le thème musical de cette émission Première Loge. Alors, je vous laisse là-dessus. C'était Jessica Leb avec vous, directrice de la programmation, animatrice aussi. Puis à 17h30, sur les ondes de CKRL, vous retrouverez Camille Proust et son équipe pour le Médialodon. Alors voici tout de suite Angel Forest avec un classique des classiques, Piece of My Heart. Mais vous allez comprendre l'interprétation là quand je vous dis que c'est mémorable. Bonne soirée sur les ondes de CKRL. Didn't I make you feel it? Oh, baby, baby, like you're the only man. Yes. Yeah, no, didn't I give you nearly everything that a woman possibly can? Honey, no, I did. But each time I tell myself that when I think I've had enough, when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. Come on, baby, come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart, baby. Oh, yeah. So break another little piece of my heart. I said, darling, oh, no, no, no. Wrap another little piece of my heart, well, don't you know it? You know you got it, baby. If it makes you feel good. And you're looking good, but baby, deep down in your heart, I guess you know that it ain't right. Well, oh, no, no, no, no, no, no, man, I said, oh, hear me when I cry at night. Oh, daddy, I'm crying all the time. But each time I tell myself that when I can't stand the pain, you gotta hold me in your arms, baby, and I start singing once again. I say, come on. Come on, come on, come on, come on and see it.

Soyons imparfaits, soyons juste nous. Ensemble, on sera au moins deux. Peut-être cent ou un million d'âmes qui se rassemblent. Thank you.